La récréative est en quête d'identité. La récréative s'active pour vous présenter son deuxième podcast. Et on y va avec des extrêmes, des paradoxes, le chaud, le froid, le bon, le mal. On commence à l'instant avec Cosmic One Ship Avenge de You Say Party, We Say Die que j'ai vu la semaine dernière en spectacle. Ce sera suivi de d'autres excellents bands qui ont sorti des albums dernièrement, dont Vitalik et Cougarettes. On part pour un Bollock électro, mesdames et messieurs. Bonne soirée à ma compagnie. We'll be right back. Danser, mon ami, parce que si tu écoutes podcast, c'est sûr que tu es mon ami. Wow! Oh, Lord! Ça, c'était bon. On enchaîne avec quelque chose de totalement opposé. Je vous ai dit le bon, le mal, le froid, le chaud. En fait, je vous laisse ressentir les émotions que vous voulez. Bon, il va dans un bloc beaucoup plus ressenti, sentimental, de musique qui pénètre, introverti. Pour vous faire vivre toutes sortes de réflexions. On va y aller avec de XX, Bon Hiver, de Ugly Suit, et on va terminer le tout avec Yann Tiersen. Et dans ses chansons, il y a des demandes spéciales pour Madame que j'aime et Monsieur que j'aime. J'espère que vous allez vous reconnaître, chères personnes, qui ont une place particulière dans mon cœur. Donc, je vous invite à faire des demandes spéciales en tout temps. Il me fera un énorme plaisir d'intégrer tous vos coups de cœur et les partager avec l'ensemble de mes amis. Donc, je vous souhaite une magnifique soirée et au plaisir de poster un prochain blog de la récréative. On enchaîne avec Stars. I can give it up on the first day. I don't have to exist outside this place. And do you know that I can't change? But if stars should shine by the very first time, then it's fine, so fine. So much time with me, and I can draw the line on the first day. I'll let you cross it, let you take every line I've got when the time gets late.